Je sais pas. Pourquoi j'ai peur de la déprime infinie, la sublime nuit du bruit, la phobie, la mort, le sang, les gens, la fin de la nuit des temps, la maladie, l'envie, les ennuis, la pitié de mes ennemis, la descente, le bas en décembre, l'accident dans la descente. Pourquoi j'aime la pluie? Pourquoi la tristesse, l'ennui? Pourquoi je fuis? Pourquoi la masse, l'impasse? Pourquoi les masses? Pourquoi on se nuit? Pourquoi on vit? Pourquoi galaxie, système solaire, pollution sonore? Pourquoi le bruit? Pourquoi le bruit? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi les codes, les cadres, les cases nous enferment dès le départ? Pourquoi tout est flou? Pourquoi tout est fou? Ombre, lumière, femme, homme, jour, nuit, mort, envie, satisfaction, distraction, ennui, paradoxe terrestre. Pourquoi tout tourne en boucle tout le temps? Relation funeste, sensation, tentation, frustration, je répète, sensation, tentation, frustration, je répète, sensation, tentation, frustration. Comment faire taire la raison un temps? Comment arrêter de penser tout le temps? Je sais pas. Good. Oui, alors, à la demande du... Laissez pas les micros devant les haut-parleurs. Non, tiens, de l'autre côté, il faut que tu vois. Ce texte-là, par là. On passe parce que sinon... Mais Madame Sommet, vous pouvez... Oui, voilà. Après, vous voulez parler, madame? Attends, laissez parler un peu. Votre prénom, vous pouvez donner votre prénom déjà? C'est Choumicha, prénom. Un peu plus fort qu'on n'entend pas, s'il vous plaît. C'est Choumicha Chourtani. Ah, bienvenue à la radio Métanoïa. Bienvenue, enchanté. Enchanté aussi. Vous voulez nous dire quelque chose pour la radio? Ah, chanté. Ah, allez-y. Allez-y. Julien, on attend et après c'est toi. Allez-y, vous pouvez chanter et on vous écoute. Je sais pas chanter. C'est pas grave. Mettez-vous à l'aise et vous chantez. Je voudrais dire une chose à la radio. Toutes les questions sont formidables. Et je souhaite tout le monde que ça va changer le monde. Oh. Au moins, ça va changer. On l'espère tous. C'est tout. Ce qu'il y a à dire. C'est tout. Pull up! Merci beaucoup. On va continuer avec... Alors, on fait quoi? On fait la chanson ou le texte d'abord? Le texte, c'est fait. J'ai un texte et une chanson. Ok, comme tu veux. Bah écoute, je vais vous lire un de mes textes et après, on va écouter une de mes chansons. Alors, c'est quoi ton... Est-ce que t'as un nom d'artiste? Oui, alors... Recommence la question. T'as un nom d'artiste? Exactement, c'est Julien Carrado. Voilà, c'est A-R-A-D-O-T, je me suis pas... Voilà. Alors le titre de mon texte s'appelle titre, parce que je n'ai pas de titre. À quoi bon jouer, j'ai tout perdu. Je me sens comme un ange déchu, un ange qui a perdu ses ailes, un mortel qui a perdu son aile. Aujourd'hui, je voudrais le crier fort. Je ne crois plus à la vie, je préfère la mort. Comment vivre? On connaît tous notre sort. Une sorte de mise en scène où il faut être le plus fort. Pour pouvoir espérer amasser l'or lors de notre passage au pays des morts. Je ne dis pas que je n'en peux plus. En vrai, je n'en veux vraiment plus. De cette vie à un seul sens, la naissance, la puissance et enfin la déchéance. Quel est le vrai bonheur quand tu n'as plus ton honneur et on te dit que tu n'es plus à la hauteur? Je suis à la recherche de celle qui pourrait réparer mes ailes, qui puisse à nouveau me remettre en selle. La personne qu'on ne conjugue pas au pluriel, car seule elle peut te paraître si singulière. Je n'aurais jamais profité de la vie. Je ne peux pas dire que j'en suis fier, ni d'avoir été ravi. Bravo, à vous. Merci beaucoup. Et bravo. Du coup, oui. Bravo, Julien. Et c'est quoi les programmes? Ça continue. Ensuite, c'est du coup, c'est la musique de encore de Julien. Voilà. C'est à la base, je voulais une villa. Voilà. Donc c'est parti. Merci. bad, j'ai trop d'idées. T'es pas le meilleur, j'ai trop de fierté. Trop de galères dans le teuteux. Avec les rayons, on fout le feu. Trop de galères, des fois solitaires. La maladie héréditaire. Déjà visère comme une vipère. Et allez, je tarde comme dans le freezer. Touche à nos sœurs, on tombe dans l'air. Touche à nos frères, on couche par terre. Coup de pression, trop de missions. Trop de missions, gros démissionne. Trop d'histoires qui ont fait le tour de la terre. T'as dit quoi, il paradis sur terre. On est fait à l'enfer sous terre. T'en fais quoi de toutes les guerres. Sur la planète Terre, y'a la misère. Trop de gens qui ont serré. Ne plus voir nos mères pleurer. J'essaie de voir un futur à tes côtés. Je t'avoue, j'en ai marre de t'écouter. Je veux détruire et tout reconstruire. Mais sans toi et ta toxicité. Ne m'en veux pas si tu me vois fuir. C'est juste pour me mettre en sécurité. Je n'en peux plus de cette vie-là. Moi, à la base, je voulais une vie. Je te mette la fessée. Un plan qui a foiré, tel était le but recherché. Maintenant tu viens me supplier pour qu'on se remette ensemble. Mets-toi à genoux, mais ce n'est pas pour prier. Tu m'as tellement sucé que ta bouche en a tremblé. Attends que je te mette en sens. Ton pare-choc sera abîmé. T'inquiète, t'auras qu'à sortir les gants. Je n'en peux plus de cette vie-là. À la base, moi je voulais une villa. Mais toi de ce côté, que je te mette la fessée. Mais toi de ce côté. Mohamed, allez, tu peux aller. Merci, merci. J'ai liké. J'ai mis un like. J'ai mis un like sur la musique. Voilà. Oui, c'est soutien, moi qui chante avec un ami. Ouais. Et Mohamed, vous voulez dire quelque chose ? Allô, allô. Oui. J'ai la terre. Voici le ciel. Canapé, dit. Le mien, un petit marron. Attends, ah. Moi, j'ai bien aimé les ailes. Là, on a les micros ici, on a les micros ici. Ah, ça marche, là ? Ça marche. Moi, j'ai okay. Aimé des Atlantes, ils sont des herbes. Et, et on deviendra tous des anges un jour. Voilà. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Ouais. C'est une bonne nouvelle. On aura des ailes invisibles. Et ceux qui reviennent en 2020, oh. Ils sont d'accord. Oh. Bah, ils attendent que ça, de revoir les leurs. On est de retour sur Medanoyac et Judith Sommen va nous parler de son expérience avec les extraterrestres. Pour un micro, Judith. Non, bon, on va le mettre, on l'a pré-enregistré, donc on va essayer de le faire. Beaucoup de batterie et Julien, ne coupe pas le micro, s'il te plaît. Je vais rebrancher le tout. Oui, non, mais il va pas rebrancher, il n'y a pas besoin, c'est juste qu'on a. Parce qu'il y avait un bug. Oui, ok. Ouais. Donc là, on est... Mais là, tu n'as pas eu ton micro, mais on va essayer d'écouter l'expérience de Levi de Sommel, parce qu'il a... Oui, elle écrit... C'est intéressant, d'ailleurs. Mets un peu de volume sur ton micro. Ouais. Et Judith, elle a des contacts paranormaux, on dirait, avec des entités qu'on appelle les Atlantes. Et qui ont des ailes. J'avais oublié de le signaler et Julien me l'a fait penser par son texte très intéressant. Ben, je vous remercie. Oui, en fait, parce qu'il y a des ailes chez les anges. Et oui. Ah, c'est pas... C'est pas que... Mais c'est comment les anges? C'est quelle couleur? Les ailes? Les ailes ou les couleurs des anges? C'est des anges, des ailes invisibles. Oui. Oui. Mais vous le voyez, vous? On le sentira, quoi. On le sent. On le sentira si on a des ailes ou pas. Et on pourra voler ou pas. Donc on le verra, quoi. Voilà. Ok, bon, on va écouter un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur ça, voir si ça marche. Et est-ce que ça peut marcher? Je vais vous lire un poème qui s'appelle La Lune. On est le mercredi 15 juin 2022. La Lune. Qu'est-ce que tu fais là, petit gars, à regarder les trains passer, à regarder les hommes courir entre Milan et la tour de Pise? Tu es dans ta maison, mais tu as envie de partir, tu as envie de fuir. Le soir, tu regardes toujours la lune de ta fenêtre ouverte, les rideaux volants au vent. Tu as envie de rejoindre la lune dans l'univers. Tu montes de tes mains la direction comme si tu voulais construire un pont entre elle et toi, entre toi et elle. Un jour, tu iras la voir, mais jamais en courant, jamais en avion, jamais en fusée. Juste en gambadant, d'étoile en étoile, de fleur en fleur, de cœur en cœur, de joie en joie, mon cher petit gars. Voilà. Quentaine, il y a 2 ans, et je l'ai mis sur le journal de Noémie du vendredi. Donc j'ai un bon stock pour le journal de Noémie, quoi, voilà. Et ben, ça me plaît bien, quoi. Faut gérer ça et j'essaye de gérer au mieux mes poèmes par rapport au journal, quoi. Voilà. Mais du coup, maintenant, vous écrivez plus, hein? 1, 2, 3. Oui, Judith, vous dites que vous avez une 50aine de poèmes en stock que vous avez rédigés il y a 2 ou 3 ans. Ça vous a pris combien de temps, en gros, de les rédiger, d'une part? Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes en panne? D'écrire ou qu'est-ce qui se passe? Alors j'en ai écrit 50 en l'espace de 2 mois et ça venait tout seul, quoi. C'était immédiat et j'ai eu une tendinite à la main tellement j'ai écrit. C'était pas sur ordinateur encore, je les ai mis après sur ordinateur. Mais j'écris des textes, j'en ai 13 textes. Des nouveaux, que, là pas des poèmes, des textes avec mes idées, quoi, que je mets dans le journal de Noémie régulièrement, quoi. Voilà. Super. Mais je suis un peu en panne d'inspiration pour les poèmes, en effet. Ben vous, en fait, ouais. D'après ce que je comprends, ça vient, et quand ça vient, voilà. Ça vient beaucoup. Ouais. Et ouais. Du coup, ça fait un stock, et puis après, le temps de les travailler, les insérer dans divers supports et tout ça, c'est pas mal, voilà. Comme ça aussi. Je les retravaille en les insérant, quoi, mais je les laisse tels quels, je les change pas, quoi. Non, parce que je les trouve bons du premier jet, quoi. Meilleur comme ça. Ouais, voilà. Super, Merci. Vous aussi. Je parle que vous. Ouais. Du premier jet. Ouais. C'est bien comme ça. C'est mieux. On se casse moins la tête. C'est ça. J'hésite, mais vous avez aussi des. des expériences d'apparition d'objets chez vous. Oui. Vous avez des contacts avec des... Avec la civilisation Atlante qui a existé il y a 10 000 ans sur la Terre, puis qui a été engloutie. Et ils ont trouvé refuge dans l'espace. Et ils me téléportent des objets, notamment des DVD et des CD. Et comme ça, j'ai un stock infini de... Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté récemment ? Louise Attaque, Jean-Jacques Goldman en DVD, Mylène Farmer, plein de trucs français que j'aime bien. Ils savent mes goûts, quoi. Ils connaissent vos goûts. Ouais. Mais aussi des nouvelles musiques de méditation et tout ça. Et je les écoute petit à petit parce que j'aime un peu moins. Voilà. Mais c'est assez varié. Et je suis très contente, je suis très fière de recevoir ce cadeau d'eux. Je me sens un peu spéciale oui. Du coup, et j'en parle jamais, c'est la première fois que j'en parle. Mais voilà. C'est ça la radio Métanoïa, on peut parler des choses qu'on parle nulle part ailleurs. Régis m'a fait la remarque tout à l'heure que j'arrête mon délire. Donc voilà. Il faut pas faire attention là, au psychiatre délirant. Non, parce que lui non plus, il n'arrête pas son délire. Hein. Il n'arrête pas de lire comme ça. Mais il ne sait pas ce que je vis de toute façon. Il ne peut pas comprendre. Je lui raconte presque rien. C'est surtout à Vincent Coustic que je raconte. Je le vois depuis bientôt 4 ans et je lui raconte ce qui m'arrive, quoi. Voilà, et ça me fait du bien quand même parce que c'est un trop lourd secret. C'est un grand poids, voilà, et c'est intéressant, mais on se demande pourquoi moi, quoi. Voilà. Pourquoi pas Mais aussi, vous disiez qu'en 2024, on aura une visite. Oui. Alors, racontez-nous un peu de ça. Alors, je pense qu'en 2024, il y aura sur le plateau du Cantal un vaisseau spatial extraterrestre qui va se poser, recensant 4400 personnalités ou gens anonymes qui vont ressusciter comme ça, qui vont revenir sur la Terre. Et on va bien les accueillir et tout ça. Il y aura une grande fête, j'espère. Voilà, et ça sera la première étape avant la résurrection totale des morts, quoi, qui est prévue, selon moi, en 2028. C'est bientôt, ça. Oui, c'est faut garder espoir, c'est pour ça. Et si ça ne vient pas, ben tant pis, mais je pense que tôt ou tard, ça viendra, et je connais j'ai fait une rencontre. Il y a une personne qui pensait la même chose que moi, en psychiatrie aussi. Voilà, et lui, il avait une bague au doigt portant un diamant bleu, et ça lui signifiait qu'une apparition allait prochainement avoir lieu, quoi, voilà. Pensez-vous qu'on aura assez de place sur Terre pour accueillir tous ces morts ? Et oui, parce que les déserts vont devenir des espaces verts. D'accord. Voilà, donc les déserts vont être réhabilités par la magie ou par le travail des hommes. Il faudra qu'on les réhabilite pour justement accueillir ces personnalités ou ces anonymes. Et surtout pour la résurrection des morts, là il y en a une quantité extraordinaire. Mais tous les déserts seront bien réhabilités et seront accueillants pour leur arrivée. Si on sera prêt, quoi. Voilà. Et vous avez des idées de noms à peu près, ou vous pouvez pas nous les donner? Presley, Michael Jackson, voilà, des grands écrivains aussi, Émile Zola, plein de personnalités comme ça, célèbres, qui n'attendent que de revenir sur la terre. Voilà, qui se préparent eux aussi dans le ciel, quoi. Et à travers les vaisseaux extraterrestres, ils y sont en ce moment, quoi. Voilà. Ils viennent d'une autre planète, certainement de la planète, je sais pas, d'une planète où les Atlantes. Oui, là était Madame Judith Somène qui nous parlait sur ses expériences paranormales, des révélations des Atlantes. Et en 2024, on va aller au Cantal avec tous les radios Metanoia pour enfin et avoir accès à ces résurrections et qui vient en 2028. Mohamed, tu penses quoi de tout ça, Mohamed ? La résurrection, j'y crois à fond. Maintenant, vous allez mettre le son que je vais demander. Lunatique, 45 scientifiques, Bouba et Ali. Ils sont en guerre. Tout ça pour un morceau de terre et de flouze. Ahmed, Bled et Bnet, Sous, Bled et Flouze, Tunis, Police. Je préfère rester dans mon village de la Noé. À 3,5 km. Zarzouna, rue du 5 avril. Mon père, il a fait une villa. J'en veux pas. Chez nous, il n'y a pas d'héritage. Tu prends tes bagages et tu dégages. Yeah. J'ai la voiture à... Oui. À Madame Judith. Prends le téléphone. Prends le micro, Mohamed. Attends, tu veux dire quelque chose Oui, non, attends, mais c'est en direct. Oui, attends une seconde, on va voir. Mohamed. Alejandro, que passe, hombre? Oui, mais là, on est en direct à 20 minutes. On est 17 minutes en direct. Mohamed, le prophète, qui vient de nous donner sa poésie. Il faut dire que Mohamed, il vient pour le traitement. J'ai plus de dents. Il me reste 4 canines et une molaire. J'ai du mal à mâcher. Putain de purée. De carottes. Je préfère la jaune canarie. Comme le pont neuf. La cité. La souricière. Ils m'ont fait du mal en étant petit. Pour voler à l'étalage. Mes 18 ans. J'ai passé au CJD. Et au D1. Au grand quartier. Avec Nordine B, c'est pas une balance. Bois de là, bois de l'eau, reste chez toi, sinon tu seras au studio, tes moulots dans l'eau. Les goûts, il n'y a pas de sous, il n'y a que des roues. Va chez Continental, au Midas, va chez Speedy, l'alternateur, le démarreur, défectueux. Regarde maintenant l'auto, la X7, c'est pour Pierrot. Elle est là, la X7. Hors norme. Premier contact avec la BMW X7. Oui. Hello, les amis. J'espère que vous reconnaissez ma voix. Ma voix, c'est Duna qui est avec vous pour vous raconter quelques petites choses. Ouvrez les oreilles. Une comptine. Au loin s'avancent trois guerriers Maasai. On sent la chaleur, torride de l'été brûlant. C'est un serpent venimeux, passe et repasse et trépasse. Il marche, il voit au loin la déesse. Je n'ai pas fini. Je croyais. Je n'ai pas fini. Elle chaloupe vers eux. Donnez-moi quelque chose qui me permet de chalouper. Chalouper. Chalouper. Chalouper. Chalouper. Ce regard est de braise. Ce regard est flamboyant. Ce regard est de braise. Chalouper. Chalouper. Chalouper. Elle s'assied et prend des feuilles de thé. Chalouper. Chalouper. C'est les guerriers Maasai qui s'assied. Les guerriers Maasai initiés au thé. Premier thé, deuxième thé, troisième thé. T'es chaloupé, Léa vie est chaloupé. Mon cœur est chat, chat, chaloupé. Mon cœur est chat, chat, chaloupé. Mais j'aimerais finir par cette phrase qui dit que le désert est plein de bonté, que les divinités sont présentes et que l'invisible, ma foi, est tout autour de moi. Tout autour de moi, il ne chaloupe pas. Il est vrai, il est vrai. Il est là, il est là. Comment dit-on l'espoir? L'amel en arabe. Hope, you know. Mais moi, j'ai le cœur chaloupé. Le cœur chaloupé, totalement ligoté. Mais je voulais vous dire que derrière ce chaloupé, chaloupé, il y a la vie qui danse, il y a la vie qui est là, il y a la vie qui rit, il y a la de la joie, parce que chaloupé. Comme le disait Superviel, qui est un utopiste, c'est le courant des utopistes, c'est le courant des positivistes. Superviel disait quoi quoi, Superviel disait quoi quoi, Superviel disait vivez, profitez, croquez, croquez tout ce que vous pouvez, sauf l'être humain, car ça, à la rigueur, ça serait, c'est extrêmement nocif. Parce que déjà, à l'état naturel, déjà, c'est-à-dire pas mort, c'est immangeable, mais alors une fois mort, c'est pire qu'un, que manger une hyène. Je continue sur ma chanson. Ils m'ont coupé le fil. Quand on me coupe le fil et quand on me coupe le flow, je ne suis plus moi, parce que vous avez coupé le flow de mon idée. Mais c'est pas grave, je vais revenir dans mon désert. Et je repars. Je ferme les yeux, j'oublie. Et là, de nouveau, je suis assise. Le mur contre de la terre. La terre mélangée à de la boue. Et là, je vois quoi ? Oh ! Mais n'est-il pas ? Mon ami le serpent. Que fait-il là ? Il m'a dit. Il est où ? On s'y reprend. Merci. On reprend, on est là. Oh. Vas-y, on est là. Oui, alors, c'était la grande actrice qui vient directement de l'au-delà, de l'on-de-ça, plutôt que de l'au-delà. De l'on-de-ça de soi. Ah, alors, oui, effectivement, il a dit de l'au-delà. C'est bizarre, comme c'est bizarre. Lapsus. Je ne viens pas de l'au-delà, mais je viens de l'au-de-ça, l'au-de-ci. Le de l'eau, je deviens de partout. Moi, je disais que je suis de nouveau retournée dans le désert. Et le serpent est arrivé. Que veux-tu, mon ami ? Lui ai-je dit. Il m'a dit, je veux une amie, parce que personne ne m'aime. Je suis un pauvre serpent. Et là, je lui dis, toi et moi, on va rester amis, parce qu'on va chalouper, chalouper, chalouper et danser. Je suis fatiguée, je vais arrêter parce que je n'ai pas de public pour m'écouter. Ah mais si, pardonnez-moi, que dis-je là ? Dans ma tête, je me sens tellement seule parfois et si souvent que des fois j'en oublie qu'il y a du lent. Parce que moi je suis speed à ce qui paraît apparemment. Mais je ne suis pas speed, je suis moi. Quand les gens me disent que je suis speed, je leur dis non. C'est vous qui êtes. C'est trop marrant comment t'es habillée. Mais toi, comment t'es trop belle avec ton short. Je vous décris l'entrée d'une déesse qui vient de rentrer. Elle a un petit short façon années 80. Celle qui le portait, c'était les trois drôles de dames. Je me souviens très bien. Mais c'est incroyable. Mais tu t'es sortie comme ça dehors. Alors, on continue la radio ou on arrête? Non, on est là, on est là. Moi, je dirais qu'elle ose, cette femme-là. Elle ose. On va parler un débat très féministe. Très féministe. Moi, j'adore. Je trouve ça très, très, très, très, très, très joli. Très joli. Mais il y a un problème. Vas-y, dis-moi. Dehors, il y a des chacals qui adorent les petits chats comme toi. Et qui, en fait, ne sont pas des gentlemen. Et qui, au lieu de te dire « Vous êtes ravissante », ils vont te dire « T'es bonne ». Oui, bah oui, j'ai l'habitude de ça, surtout que je viens du 93, du coup, depuis mes 14 ans, je m'habille sexy, mais je vais pas m'empêcher de vivre pour les gens, je m'en fiche. Tu as raison. Je les ignore. Tu as raison, mais si je peux rectifier ta remarque. Tu as raison de les ignorer et de profiter depuis tes 14 ans. Mais ce n'est pas dû au 93. C'est dû, pas au 93, tu vas dans... Non. En banlieue, généralement. Sur Paris, généralement, les filles, elles peuvent être habillées n'importe comment. Elles se font pas attaquer, je dirais, par les chiens. Mais non. Je suis désolée, j'ai grandi dans le 9-3. Par contre, je dirais c'est l'éducation des hommes donnée par les femmes et les pères qui déconnent. Ce ne sont pas ces jeunes-là, même s'ils déconnent vraiment. C'est les parents qui doivent responsabiliser les enfants. Et se responsabiliser eux-mêmes. Je suis désolée. Un garçon, fais la vaisselle, comme ta petite sœur. Fais ton lit, comme ta sœur. Fais ceci, comme ton petit frère. C'est normal. Dis sur mon ton, ça donne pas envie. Hein. Mais moi, en tant que professionnelle je suis tuteur de développement. Voilà, je vais pas dire ce que je suis. Je suis tuteur de développement. Ça veut dire que j'essaie de faire en sorte que les gens grandissent bien, droit, un petit peu. Si ça te barre comme ça, parce qu'il y a des problèmes, oups, je la ramène tout doucement. Les gens qui m'écoutaient, je suis désolée, j'espère que vous arrivez à me suivre. J'imagine en fait une plante. Imaginez-vous une plante qui pousse et parfois, elle veut partir un petit peu à droite. C'est dangereux, comme votre enfant. Donc, vous allez la ramener tout doucement vers le milieu. C'est ça, un bon parent. Et si les bons parents ne font pas ça, leur enfant, il peut se dire, tout est permis. Donc, je peux même critiquer une fille qui est habillée joliment. On pourrait dire jolie, mais maintenant plus personne dit jolie. Tout le monde dit sexy. Cette société est sexualisée. Tout est sexué. Tout est assujet à la sexualité. Achetez mon shampoing pour les cheveux. Vous serez la fille la plus... Ouh. achetez mon élixir de vampire et vous passerez des nuits torrides. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la vente. Vente, vendez, achetez, achetez, achetez, consommez, consommez, consommez. Et vous, mademoiselle, vous êtes toute belle. Merci. Et le piège, il faut faire attention. Il faut être un consommateur, acteur, un consommateur, pas un consommateur. Je pense que vous avez cette fibre-là. Parce que, messieurs, dames, je vous décris de certaines qu'elle a sur la tête. Il faut le faire. Il est magnifique. Mademoiselle porte un serre-tête rose, fluo, rose bonbon, magnifique, et en guise de petite oreille de chat. Un dégradé de bleu, rose, jaune fluo, un peu vert et bleu. C'est magnifique. Je te laisse parler parce que j'ai l'impression d'avoir monopolisé la parole. Merci beaucoup. Hein. C'est excellent ce que tu dis. Ah, je suis ravi que tu sois là. Ton nom de radio, c'est quoi déjà? My name is Juna. Juna. Juna. Juna. Juna. Qu'elle vient là, tu es super radiophonique en fait, il faut que tu viennes tout le temps. J'aimerais, je lance un appel à un producteur, à un animateur, à une personne qui, comme moi, aime les mots et qui aime transmettre des choses. J'aimerais dire... Excuse-moi, t'inquiète pas, respire doucement, tout va bien, tout va bien. J'ai pas le temps. D'accord, mais doucement, doucement, respire. Justement, c'est ça que je vais essayer, c'est exactement ce genre de choses que je n'aime pas dans cette vie, ici-bas. Vous voyez, c'est quoi? C'est ce speed-là, regardez dans quel état elle se met. Parce qu'elle est sérieuse, et tellement sérieuse qu'elle en est malade. Que je vais pleurer. Assieds-toi. Assieds-toi. Et tu sais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les mains sur tes cuisses. Voilà. Voilà. Encore. Tu me fais faire ce que je t'ai appris? Oui. Merci. C'est toi qui m'as appris ça. Je pensais pas arriver à l'heure. Tu es arrivée. Et on est content que tu sois là. Alors tu vas m'écouter? Je vais te dire qu'est-ce que je disais. Rappelle-moi ton prénom. Nadine. Ah, merci Nadine. Nadine. Écoute-moi. Nadine. J'étais en train de parler d'une possibilité. J'étais en train d'appeler un producteur, un animateur de radio, un professionnel du milieu de la radio, de la radiophonie. J'aimerais pouvoir un jour animer une sorte d'heure, une heure de conte ou une heure d'échange entre hommes, femmes, moi, qui les écouterait comme à l'ancienne, comme Macha Meryl. Elle l'a fait, Macha Meryl, n'est-ce pas? Elle l'a fait. Donc je serai quelque part votre intellect clinique. Pourquoi je dis intellect? Parce que intellect, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions comme moi, toujours. Et c'est en ayant des réponses que les gens qui, comme moi, se posent trop de questions, s'apaisent parce qu'elles s'angoissent de ne pas avoir les questions. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Vrai. Vrai ou pas? Oui. Merci. Oui. Alors, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse transmettre. Donc la transmission, lorsqu'on sait, si on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Et deuxième alors chose... Alors moi je sais de quoi je vais parler, je attends, vais couper la parole. Non, non. Non, mais on va s'arranger après parce que tu sais qu'on est grandes copines. Je te jure, après je te laisse l'émission d'après entière. Là j'ai plus qu'une minute et je te jure, ma voisine elle m'a trop cassé les pieds. Pourquoi? Ma voisine enregistre sans arrêt derrière ma porte tout ce que je dis. Voilà, elle n'est pas contente parce que je viens dormir toutes les nuits et que son problème... Cette fois-ci, je ne vais pas chanter. Cette fois-ci, je ne veux pas provoquer le bonheur. Je veux juste faire un cri d'horreur. Juste un cri d'horreur. Parce que moi, je viens, je me soigne pour aller mieux à cause de ces gens comme là. Sauf qu'elle, elle est sans arrêt derrière ma porte en train d'enregistrer tout ce qui se passe. Alors, elle rentre. Et, Sophie Rolando, 7e étage, 28 avenue Jean Jaurès. Si, j'ai le droit. Bien sûr que j'ai le droit à me faire enfermer. Si. Sophie Rolando, 28 avenue Jean Jaurès, 7e étage, porte droite. Non, si, cette fois-ci, je le fais. Les keufs, ça fait 10 fois qu'elle me les envoie. Moi, je suis quelqu'un de correct, poli, respectable. Qu'elle fasse la même chose à la place d'envenimer les choses. C'est tout ce que je te demande.